Chapitre 7. Le cadre de mes souvenirs s'élargissait. Devant moi passaient des pays lointains, oubliés depuis si longtemps qu'il me semblait ne les avoir jamais vus, des forêts sauvages et des luttes gigantesques dans lesquelles aux hommes se mêlaient des animaux. Mais c'était de vagues croquis, sans aucune image précise. À travers ces tableaux circulait une petite fille en robe bleue qui depuis longtemps m'était connue. Durant ma dernière existence, elle m'était rarement apparue en rêve, mais toujours ses rêves m'avaient semblé de mauvais augure. Elle avait 10 ans, elle était maigre, pâle, pas jolie, mais ses yeux étaient remarquablement noirs et profonds, et leur expression n'avait rien d'enfantin. Parfois, ils exprimaient une telle angoisse qu'à rencontrer son regard, je m'éveillais immédiatement, inondé d'une sueur froide et le cœur battant. Il m'était impossible de me rendormir. Et pendant plusieurs jours, je restais étrangement nerveux. Maintenant, je suis convaincu que cette fillette a existé, que je l'ai connue jadis. Mais qui était-elle? Ma fille? Ma sœur? Ou une étrangère? Et pourquoi ses yeux navrés d'une souffrance surhumaine? Quel bourreau avait torturé cet enfant? Moi, peut-être. Et cela eût expliqué pourquoi son apparition, dans mes rêves, revêtait le caractère d'une punition. Chose étrange, de tous mes souvenirs, aucun n'était gai. Mes yeux spirituels ne voyaient que des pages de douleur et de cruauté. Il y a eu sans doute dans mes existences des jours joyeux, mais en très petit nombre, faut-il croire, puisqu'ils ont disparu, enfouis dans un océan de souffrance. Et si c'est ainsi, pourquoi? On ne peut admettre que la vie soit faite pour la seule souffrance. Elle doit avoir quelque autre but. Mais le connaîtrai-je jamais? Au prix de cette ignorance, mon état actuel, c'est-à-dire l'immobilité et la tranquillité absolue, devrait me sembler le bonheur. Et pourtant, dans tout ce chaos de souvenirs indécis, de pensées éparses, je sentis s'affirmer en moi un sentiment étrange et qui m'attirait encore dans ces régions de ténèbres et de douleurs d'où je venais de sortir. Je voulus résister à cette attirance, mais elle se fortifia, vainquit tous mes arguments et enfin se manifesta à nu, comme le désir passionné et incoercible de vivre.